Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est samedi et c'est l'heure de la consultation du docteur Disco. La découverte du jour, c'est Norman Jean White et son titre Saturday. Sorti en 1978, il est extrait de l'album Norman Jean. Elle est née dans le Tennessee en 1956. En rédigeant cette émission, je me suis rendu compte que vous la connaissez tous. Elle est la leader vocale de Chic durant la période 77-78. Durant les années 80, elle fera office de choriste pour plusieurs artistes comme Madonna ou Sister Sledge. Assez de blabla, place au résultat! If you let Padget, le festival de toutes les musiques. Les 100 hits, on y va maintenant. Aujourd'hui, George Macrae et son hit Rock Your Baby. C'est près de Miami que débute la genèse de cette chanson. Harry Casey, alias Casey et Richard Finch travaillent pour le producteur Henry Stone, patron de la compagnie TK. Mis à part quelques titres pour divers chanteurs et leur propre groupe Casey and the Sunshine Band, ils n'ont encore rien produit de majeur. Un soir, ils s'enferment dans le studio et se mettent à jammer en utilisant un orgue qui possède une boîte à rythme. En ajoutant à ce beat synthétique de la batterie, de la basse, de la guitare et une mélodie simple sur un piano électrique, ils enregistrent en moins d'une heure la démo de Rock Your Baby. Ils avouent s'être inspirés de la chanson Rock the Boat avec son rythme caribéen un peu particulier, on va dire. Alors la chanson, elle plaît au producteur, mais ce dernier insiste pour changer de chanteur. George Macrae se la voit proposer et elle est dans la boîte en deux prises. Le texte est basique mais chargé de connotations sexuelles qui s'inscrivent parfaitement dans la mouvance disco naissante. Le titre se classe numéro 1 dans des dizaines de pays avec 11 millions d'exemplaires vendus. Malgré une carrière honorable, le nom de Macrae est associé à jamais à ce titre. Et Casey, un de Sunshine Band, voit enfin sa carrière décoller, mais ça, c'est une autre histoire. Mr. Funk sur Fadjet. Pour la reprise, on va écouter une reprise de la même artiste par elle-même. Je m'explique. Karen Cheryl a d'abord enregistré ses titres en anglais. Pour avoir la faveur des Carpentiers, elle décide de les réenregistrer en français afin de pouvoir passer dans leurs émissions. Ni une ni deux, les reprises sont des succès. On va vérifier cela tout de suite avec Show Me Your Man Enough, sorti en 1979 et ressorti en 1980. La version anglaise, bien sûr. C'est le moment du maxi. Ça fait un bout de temps que l'on n'a pas écouté un petit, voire un grand, Chalamar. On va y remédier tout de suite avec Friends, extrait de l'album éponyme. Ce dernier contient aussi le tube mondial A Night to Remember. Sorti en 1982, il s'agit du sixième album du groupe. C'est à l'occasion d'un show TV que l'on pourra découvrir les prémices du Moonwalk par Jeffrey Daniels. Le titre Friends atteint la 12e place aux USA. L'album sera certifié disque de platine. Bonne dégustation, mes amis. Le samedi, c'est Apéro Disco sur Fadjet. On arrive doucement à la fin de notre émission. En pépite aujourd'hui, un petit coup de Delegation. Ça fait un moment aussi que l'on n'a pas écouté ce groupe. Ça fait un peu une soirée revival. Alors, issu de leur fameux album Haute Vie, le titre One More Step to Take est sorti en 1979. C'est pas le plus connu, mais il fait partie des singles sortis en même temps que Darling, mais bon, on ne peut pas rivaliser avec Darling. Vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite. Just one. Fat Jet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Un très très très bon morceau de Delegation. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Alors c'est la fin de notre rendez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche, une bonne semaine. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.